them, them soon get large. You know them all in free, for real, man. Yeah, Rebel Eye alongside Feisty, Culture Connection. Okay, for real, man. Alongside Woods, alongside LB. What we tell them? Ha, yo, hey. Ta partie, c'est ton choix. Tu veux l'anticiper, tu sais que ça demeure ton droit. Donner à cet enfant la chance de suivre ses devises et vivre sa vie pleinement sans pour autant faire de sottises. Faut le guider, voyager dans ses rêves, accepter ce qu'il est, reconnaître ce qu'il s'aime. Simoun en fait pour joindre ça, le vlé, l'aile vlé. Pour qu'il soit pas quitté, joindre ça avec un bébou lui d'arriver. We need them more freedom, more responsibility. Make your daughters and your sons find out them own ability. We know what they don't need about me being a captivity. Cause them have them own a life, them have them own community. Careful the youths, control the youths. Don't use the truth and abuse the youths. Carol the youths, enroll the youths. Blow the youths, make them grow them on roots. Liberté, tout le monde a vint pour chercher. Richesse, tout le monde besoin pour yon kakembe. Liberté, ça pour ne capable respecter, pas quitter le pont. Ou te mettre l'école, ou te mettre le club, ou te mettre la gaille. Liberté, ça qu'a faire pour demain. Machi avait cherché, comprendre la peur qu'on connaît. Liberté, ça qu'a mené nous côté, nous te quitter. Oui. Pas vint pour ça pour petit, remonter. T'inquiète pas, un jour tu pourras prouver à tout le monde que tu peux faire plus que ça. Plus que ça. Un jour tu pourras voir tout ce qui se passe. T'inquiète pas, ça viendra. Petit, t'inquiète pas. Réprimé, une jeunesse qui ne cherche qu'à s'exprimer et la crier. Yves de trop opprimé, donc laisse-moi vivre. Arpenter les rues de la ville, voir ces couleurs qu'on conclut sur ma flamme intérieure à vivre. Et je ne veux pas rester coincé entre vos quatre murs. Je veux voler et respirer l'air le plus pur. Moi, je suis comme toi, permets-moi de rire et de vivre. La porte est juste là, je ne cherche qu'à être libre. Liberté, tout le monde a bien pour chercher. Richesse, tout le monde besoin pour yon kakembe. Liberté, ça pour capable respecter, pas quitter le point. Où te mettre l'école, te mettre l'enfant, te mettre la gaille. Liberté, ça qu'a peur pour demain. Machi avait cherché, comprendre la peur qu'on est. Liberté, ça qu'a mené nous côté, nous t'es quitté. Pas bien pour ça pour remonter. Petit, t'inquiète pas, un jour tu pourras prouver à tout le monde que tu peux faire plus que ça. Plus que ça. Un jour tu pourras voir tout ce qui se passe autour de toi. Autour de toi. Tu seras moins vulnérable à ceux qui veulent venir devant toi. T'inquiète pas. T'inquiète pas, ça viendra. Petit, t'inquiète pas. Tes parents sont durs pour te protéger. Nous devons cesser de les ignorer. Si tu savais ce qu'ils ont sacrifié pour te donner une stabilité. T'inquiète pas, un jour tu pourras prouver à tout le monde que tu peux faire plus que ça. Plus que ça. Un jour tu pourras voir tout ce qui se passe autour de toi. Autour de toi. Tu seras moins vulnérable à ceux qui veulent venir devant toi. T'inquiète pas. T'inquiète pas, ça viendra. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Un jour tu pourras prouver à tout le monde que tu peux faire plus que ça. Plus que ça.